cet après-midi, on commence tout de suite, fait qu'on arrête les Big Mac. Puis pour ceux qui écoutent, qui sont pas venus à la conférence, puis qui écoutent seulement la cassette par après, bien le titre et le sujet, c'est l'élasticité de la compréhension humaine. Et puis, soit dit en passant, c'est la deuxième cassette, la première ne fut pas enregistrée. Alors, la prochaine fois, vous viendrez. Bon, là, je commence, moi. Là, on parle de l'élasticité de la conscience. Moi, je trouve qu'à un moment donné, ça devient trop élastique. Ça devient comme un élastique à ce moment-là. Tu te garages d'un bord, tu tires, vois si ça marche ici. Bon, laisse-moi en parler, tu vas voir, ce ne sera pas si élastique. Ouais. Bon. C'est quoi la compréhension humaine? C'est quand est-ce que l'homme sait qu'il comprend, puis c'est quoi comprendre? Il y a plusieurs étapes dans la compréhension. On va commencer par la première, celle qui était utile, qui est encore utile, mais qui l'est de moins en moins. Bon. Alors, nous autres, on agglomère un paquet de concepts, d'idées, on apprend des choses. On va à des conférences, on va à des séminaires, on va à l'école, on va à l'église, on lit. Et puis, vient un moment donné où on apprend des choses. Sauf que ces choses-là qu'on apprend, on n'arrive pas à les mettre bout à bout. Alors, si on n'arrive pas à placer dans un ordre logique pour nous, hein, parce que la logique, c'est très relatif, c'est lié à notre logisme, c'est-à-dire que quand on place des choses, des concepts, des idées sur lesquelles on met une forme d'énergie, donc on met une forme d'importance où on attache une valeur, mais quand ces choses-là ne sont pas placées dans une ligne où ces valeurs-là vont être en harmonie, bien évidemment, ce n'est pas logique pour nous. Et puis, qu'est-ce que c'est de comprendre? Bien, c'est simple. Si je vous dis, moi, que la mort, ça n'existe pas, bon, vous gobez ça. Ça peut être en harmonie vibratoire avec votre peur de la mort, alors automatiquement, vous allez accréditer ça. Bon, la mort, ça n'existe pas, ça a bien de l'allure. On va au ciel, tout ça, je mets un paquet de raisons pour que votre intellect puisse accréditer ce que je viens de vous donner. Mais vous ne comprenez rien, mais présentement, vous dites que ça peut avoir de l'allure. Ce que vous voulez dire par là, c'est que ça vous rassure. Bon. Un jour, je dis l'homme, pour évoluer, se réincarne, c'est-à-dire que son corps meurt. Puis comme on change de manteau, on en met un autre, donc à un moment donné, l'homme revient. Ah bien, ça a de l'allure. Pourquoi ça a de l'allure? Parce que ça fit avec le concept que l'homme ne peut pas mourir. Bon, mais vous ne pouvez pas suivre encore. Oui, mais quand quelqu'un meurt, il meurt pour le vrai. Je ne vois pas comment ça se fait qu'à un moment donné, bon. Puis tout d'un coup, en vous arrive la compréhension. Il meurt, puis il revient. Donc, il y a quelque chose en lui qui s'en va, qui s'échappe. C'est ça qui est immortel, pas le corps. Alors là, simplement que vos idées, les idées que vous avez réussi à ramasser un peu partout, par un effort de réflexion psychologique, mentale et astrale, vous allez les placer d'une façon en ordre, d'une façon logique, et là, vous allez pouvoir cheminer sans heurts, sans problème, sans vous enfarger sur le paquet d'idées que vous venez d'agglomérer, et vous dites, je comprends. Mais cette compréhension-là, elle est vraie, mais elle est fausse. Pourquoi? Parce que cette compréhension-là, à un moment donné, on rentre un autre élément en vous. Vous apprenez quelque chose d'autre. La réincarnation, c'est pas comme qu'on pense. C'est pas vous autres qui revenez dans un corps, c'est pas ça pantoute. C'est bien des choses qui reviennent dans un corps, puis vous autres, vous allez revenir dans bien des corps. Ça arrive dans vous, à côté de votre cheminement de réincarnation, de votre compréhension. Puis ça, bien là, vous allez commencer à douter de votre compréhension. Jusqu'à temps, vous allez pouvoir y trouver une place. Puis quand vous y trouvez une place, ah, là, je comprends. Mais c'est quoi, vous comprenez? C'est quoi, cette compréhension-là? Ça, c'est élastique. Pourquoi? Parce que si vous avez plusieurs trous, vous êtes capable d'imbriquer des nouvelles connaissances là-dedans, vous comprenez plus facilement. Mais quand vous avez cheminé longtemps sur les rails de votre compréhension, donc de votre tradition, donc de votre concept, de votre idéologie, de votre religion, de votre philosophie, puis qu'on rentre un nouveau morceau, il n'y a pas de place pour lui. Mais si votre intellect, votre mental, trouve que ça a de l'allure par rapport aux expériences qu'il a vécues et qui n'étaient pas répondues par votre compréhension psychologique, bien, il va le garder en mémoire. Puis de temps en temps, il va essayer de venir l'imbriquer dans votre compréhension psychologique. Alors là, plus vous allez avoir de choses comme ça qui ne peuvent pas s'imbriquer dans votre compréhension, mais là, vous allez douter, puis là, vous allez être perdu. Là, vous allez être confus. Là, vous ne saurez plus. Oui, mais ça, c'est logique, mais ça ne répond pas à telle chose que j'ai vécue. Par contre, ça pourrait y répondre, mais ça ne peut pas fitter dedans, ce qui est logique pour moi. Mais la journée que ça peut rentrer quelque part, mais de comprendre, Ça, c'est une compréhension qui amène une forme d'énergie, mais c'est une compréhension qui reste intellectuelle. C'est pas la compréhension. Mais cette compréhension-là que je vous parle, elle est élastique. Pourquoi? Parce que justement, si vous êtes capable d'imbriquer quelque chose, parce qu'il va avec votre cheminement, la réincarnation, elle s'explique mieux. Pourquoi? Parce que l'homme a un corps astral, un âme, et cette âme-là, elle est immortelle, puis quand l'homme meurt, cette âme-là se détache du corps et elle ne meurt pas. Et elle se promène dans d'autres plans similaires à ici, où elle voit ses erreurs, comme sur un film. Bon, un paquet de sottises comme ça. Puis ça, ben, ça a de l'allure avec le fait que moi, je ne veux pas mourir, donc que l'homme ne meurt pas. Ça a de l'allure avec le fait que l'homme revient, parce que cette entité-là reprend un corps physique à un moment donné. Et reprenant un corps physique, il continue son cheminement évolutif. Ça a de l'allure. Mais ça a de l'allure quand vous le comprenez, puis vous le comprenez quand vous l'imbriquez dans vos connaissances. Au niveau des religions, présentement, il y a beaucoup de prêtres qui savent que l'homme se réincarne. Mais ils comprennent parce qu'ils ont réussi à l'imbriquer dedans leur philosophie religieuse. Sans ça, ils ne peuvent pas comprendre ça, et de recherche, ils ne peuvent pas comprendre comment toi, tu comprends ça. Bon, mais c'est simple. Cette compréhension-là que l'on a, nous, la compréhension éducationnelle qu'on donne à nos enfants ou qu'on se donne entre nous, c'est une compréhension qui est de type psychologique. Le mental, lui, va simplement essayer de faire une place à un élément nouveau pour l'imbriquer. Et quand il peut l'imbriquer comme il faut, on comprend. S'il l'imbrique, ça ne fit pas tout à fait. Tu comprends, mais il manque des morceaux. Tu ne peux pas tout comprendre. C'est une compréhension qui n'est pas dirigée par l'énergie intelligente. C'est une compréhension qui est dirigée par l'énergie mentale. Donc, c'est une compréhension de type intellectuel. Donc, c'est une compréhension de type astral, parce que l'intellect et le mental sont astrales. Donc, c'est une compréhension qui est sujet à erreur. Vous pouvez comprendre des choses qui sont correctes. Cette compréhension-là vous amène à pouvoir accepter des nouvelles formes d'énergie sous forme de nouvelles idées, sous forme de nouvelles expériences, de nouveaux événements. Alors, la compréhension intellectuelle vous ouvre des portes. Mais il faut toujours douter de ces portes-là. Il faut douter de la compréhension intellectuelle parce qu'elle ne fait... Le mécanisme de la compréhension humaine, c'est un mécanisme qui s'occupe de faire des places dans un concept ou dans une chaîne de concepts pour laisser place à un nouveau concept dans un endroit où va être en harmonie avec le concept précédent et le concept qui suit. C'est ça la compréhension humaine. Et l'élasticité, c'est la possibilité que l'homme individuel a de faire un grand trou ou de faire un petit trou. Mais ça, chaque personne peut faire un grand et un petit trou. Si moi, je vous explique quelque chose et que ça fait longtemps que vous avez des petits morceaux qui viennent se promener en vous, puis d'un coup, parce que ce que je dis vient juste ouvrir une porte dans votre chaîne de concepts et tout ce que vous aviez qui était perdu en vous peut venir s'imbriquer. Ça fait une autre chaîne. Vous venez de comprendre. Daniel Kemp vous a fait comprendre. Daniel Kemp, il n'a rien fait pantoute. Il n'a absolument rien fait, il a juste parlé. Puis vous aviez ramassé les éléments nécessaires. Je n'ai pas pu vous les donner, ces éléments-là. Moi, je peux juste faire en sorte que votre intellect suive un cheminement qui permet à ces éléments-là de pouvoir venir faire une nouvelle chaîne, de pouvoir se placer dans des endroits de votre chaîne de compréhension, donc de votre chaîne de concept, et là, vous comprenez. Vous comprenez maintenant la réincarnation. Paf! Ah oui, paf, pourquoi? Parce que vous avez réussi à faire un trou dans votre cheminement de philosophie, dans votre cheminement de religieux ou de morale ou de vie, et vous avez pu imbriquer des choses là-dedans. Et là, vous comprenez. Mais cette compréhension-là, mais regardez ce qu'elle a de l'air. Certaines personnes savent, parce qu'ils le comprennent, ils le comprennent réellement, selon eux, que l'homme meurt. Hein? Alors, on a un mouvement qui est international, qui lui dit que l'homme a été créé à partir de choses chimiques et biologiques, et on a formé l'homme. Mais quand l'homme meurt, il n'y a plus rien. C'est capote, il n'y a absolument plus rien. La seule chance que l'homme de pouvoir continuer à vivre, c'est qu'on prenne une cellule et qu'on en fasse un autre être sur une autre planète quand le corps physique va être mort. Ça, c'est le mouvement raélien. Bon. Mais alors ça, les autres, ils comprennent ça. Pourquoi? Parce que dedans leur schéma évolutif de concept, ben ces choses-là qui ont été amenées par le livre qui dit la vérité, par la géniocratie, par les livres écrits par Claude Vorillon, bien, ces choses-là qui ont été amenées pouvaient fitter facilement dedans leur chaîne de concepts. Donc, eux autres ont compris mais réellement compris, selon leur psychologie, que Raël avait raison, que c'était un prophète, ce que d'autres ne peuvent pas comprendre. L'homme, avant, il n'y a rien, après, il n'y a rien. C'est une masse de matière qui, à un moment donné, vit et meurt, selon le mouvement raélien. Il n'y a rien d'autre. Alors, leur religion athée, comme disait justement Raël, alors ils ont fêté immensément quand Jean-Paul I est mort. Mais pourquoi ils ont fêté? Parce que là, leur religion est de type, pas de compréhension divine ou intelligente. C'est une compréhension de type psychologique, au même titre que n'importe quelle compréhension humaine. Et pour pouvoir se convertir qu'ils ont raison, bien, ils ont fêté la mort d'un pape. Alors là, ça leur donnait une forme d'énergie qui pouvait venir tenir. Ça leur donnait une raison de continuer à croire que leur compréhension, elle est véridique et elle est divine. La compréhension, c'est ça. Moi, je te dis que quand tu as tel feeling, tu as soif. Et quand tu bois telle chose, tu n'as plus soif. Mais il y a des moments donnés où tu as beau boire de l'eau, mais tu as encore soif. Tu as l'estomac plein, tu es plein, tu le sens physiquement, mais tu as encore le goût de la soif. Tu ne peux pas comprendre. Tu as le feeling, tu as l'anti-feeling, mais là, ça ne marche plus. Alors, dans ta compréhension, tout d'un coup, quelqu'un va dire, oui, mais ça cause que tel symptôme physique, neurologique, qui fait que normalement, quand ce n'est pas stimulé, tu n'as pas la sensation de soif, mais quand c'est stimulé, tu as la sensation de soif. Il y a aussi un dosage de sel, de chlorure de sodium, de magnésium, qui vient organiser ça. Et quand ça ne fonctionne pas, ben, à un moment donné, même si tu as pris de l'eau, s'il n'y a pas le sel qui va avec, tu as toujours la sensation de soif. Alors là, c'est trop complexe. Pourquoi? Parce que dedans, la petite chaîne que tu as de soif et de boire de l'eau, bien, ça, là, c'est rentré tout croche, travers, puis tu ne sais pas où placer ça, tu ne comprends pas. Mais tout d'un coup, quelqu'un d'autre parle, ou toi, à la longue, ces morceaux-là se promènent, puis se placent tout seul. Puis tout d'un coup, tu peux faire une place, ça rentre là, tu viens de comprendre pourquoi que quand tu es plein d'eau, puis que tu as encore soif, tu viens de comprendre pourquoi. Et pourquoi que si tu arrêtes de boire, la sensation de soif va disparaître. Pas en buvant. Et plus tu vas boire, plus tu vas avoir soif. Mais quand tu as vu, quand tu as pu acquérir ces éléments-là, tout d'un coup, tu comprends. C'est une compréhension psychologique de type, justement, institutionnel, comme on fait à l'école, par exemple, comme on fait dans les religions, comme on fait partout. C'est bon parce que ça doit amener une forme de chaîne qui va être capable de pouvoir coordonner, donc ça va finir par créer le corps mental, et qui va être capable de coordonner l'activité de tous nos corps vers un épanouissement pour permettre une énergie plus intelligente de pouvoir venir, de pouvoir pénétrer. Donc, c'est bon. Mais cette compréhension-là, il faut la mettre là où elle doit être. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre à genoux devant. Quand la personne qui le voit lit le livre à elle, comprend subitement, « Ah, c'est extraordinaire! » Mais sans ce livre-là, aurais-tu compris ça? Aura rien compris. Donc, il lui fallait un input astral. Il lui fallait une entrée de connaissances, expérientielle. Il lui fallait une entrée de connaissances, hein? Mémorielle, écrite dans un livre enregistré sur une cassette ou placée ailleurs. Et ça, elle entrait dans sa mémoire. Et dans sa mémoire, elle pouvait lui trouver une place. Et elle appelle ça la compréhension. Mais il n'y a rien de divin là-dedans. Il n'y a rien d'intelligent, intelligence active là-dedans. C'est intellectuel, c'est une intelligence intellectuante. C'est ça. Mais cette compréhension-là, que nous, on a de tout ce que je dis, ou de tout ce qu'on peut lire, ou vivre, c'est bon, mais ça vaut pas de la merde. Pourquoi? Parce que c'est sujet à être erratique. Pardon, excusez. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que moi, je comprends des choses, c'est bon. C'est bon, mais ma compréhension, tout le temps que je vais comprendre comme ça, faut que je sache et que je me dise, faut que ça aille une place dans ma compréhension, que n'importe quand, je peux me rendre compte que j'avais tort. Même si je comprenais totalement, puis authentiquement selon moi, puis parfaitement une chose, bien si je la comprends comme ça, il faut que je sache que n'importe quand je peux avoir eu tort. De cette façon-là, je vais être capable de laisser ce manteau-là, puis de me réincarner à une nouvelle compréhension. Donc, de pouvoir continuer mon cheminement. Parce que sinon, je garde ça. Oh, mais ça ne peut pas être faux. Ça fait 15 ans, j'y crois. Voyons donc, t'es con. Pour ceux de la cassette, là, je buvais de l'eau. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est ça. Si vous ne pouvez pas bien accréditer, bien comprendre le phénomène de la compréhension élastique humaine, Élastique, pourquoi? Parce qu'elle est élastique dans le sens qu'elle doit s'étirer pour laisser place à quelque chose et elle revient dessus. Et là, elle a compris. C'est ça la compréhension de l'homme. L'homme peut comprendre que parce que ses concepts sont élastiques. Prenez un concept complètement rigide. Non pas élastique, mais complètement rigide. Dieu existe et Dieu est parfait, mais Dieu n'est pas dans l'homme. Mais l'homme est le serviteur de Dieu. Tu sais, ton concept, là, il est rigide. Mais comment veux-tu comprendre quelque chose d'autre que ça? Tu ne peux rien comprendre d'autre parce qu'il n'y a pas d'élasticité dedans ta conscience. Tu ne peux rien comprendre d'autre. Pourquoi? Parce que le concept, il est cristallisé comme un bloc de granit. Puis comme il ne peut pas bouger, bien, il n'y a pas de compréhension. Quand est-ce que la compréhension va pouvoir rentrer dans l'individu qui a un bloc de granit comme concept? Quand on va briser la forme. Quand on va briser le concept. Mais là, ça fait mal. Alors là, ça fait mal en maudit. Mais là, on brise le concept. Si on est capable d'être souple, donc d'avoir une conscience, une compréhension élastique, ce qu'on a la majorité du temps, bien, ça fait pas mal. Parce que ça vient pénétrer, et puis à un moment donné, souplement, délicatement, on comprend. Mais il faut faire attention à cette compréhension-là, parce qu'elle nous amène quelque part, mais ce n'est pas une chose absolument authentique dans le sens vivante. C'est mémoriel. Alors, ça l'amène à des choses, c'est sûr. Mais il faut faire attention. Si on a un concept absolument immuable, un bloc de granit, bien, on va être capable un jour, la vie va se charger de faire en sorte que vous compreniez comment, en brisant avec un ciseau à foie puis un marteau ou de la dynamite, l'érosion peut briser un concept, mais c'est long. Là, ça vous en prend des vies avant de réussir à oublier, à laisser tomber un certain concept. L'élasticité de la compréhension humaine, c'est une chose qui est absolument sine qua non, c'est-à-dire qui est absolument importante. L'homme va réussir à pouvoir continuer son cheminement s'il est élastique dans sa compréhension. En termes plus de masse, si vous êtes ouvert, c'est quoi ouvert? C'est pas être fermé, c'est ça. Si vous êtes ouvert, vous êtes apte à apprendre, puis apte à comprendre de nouvelles choses. Mais cette compréhension-là, elle est possible parce que justement vos concepts, donc vous-même, votre psychologie conceptuelle, ce que vous pensez de la vie, ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez de la science, ce que vous tout au complet, tout vous-même au complet, bien si ça c'est élastique, ça permet l'entrée d'une nouvelle forme de données, et cette donnée-là, si elle rentre là où elle doit rentrer, bien, automatiquement, votre compréhension se referme dessus et votre compréhension vient d'en prendre pour son argent, c'est-à-dire que vous comprenez plus. Vous venez de comprendre. Mais de temps en temps, pour arriver à comprendre, si votre élasticité est très réduite, alors il vient un moment donné où l'événement de la vie doit venir vous bousculer. Un accident de char, un suicide, une perte de quelque chose physique, une perte de quelque chose monétaire, un événement initiatique. Initiatique, pourquoi? Parce qu'il vient briser, il vient vous briser, il vient vous bouleverser. Très peu ou très beaucoup. Mais plus on est bouleversé, plus on comprend. Alors, moins on est bouleversé, moins on comprend. Puis quand je dis bouleversé, il y a des bouleversements qui sont positifs, d'autres qui sont négatifs, ça va de soi. Alors, ce qui arrive, c'est que l'élasticité, elle doit être là. Et puis, plus votre capacité, votre qualité d'être élastique dans votre compréhension est réduite, plus vous vous rapprochez du fanatisme. Plus vous vous rapprochez du sectarisme, plus vous vous rapprochez du maître, de l'école, de la philosophie, de la morale, de la religion, et plus ça va être dur pour vous de comprendre. Pourquoi? Parce que justement, vous ne pouvez pas être élastique. Et plus ça va faire mal quand on va vous étirer. Une personne qui arrive et qui vous donne tout ce que vous voulez comme un petit gâteau, ben lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il vient juste se mettre de la bombe par-dessus votre élastique, par-dessus votre compréhension. Moi, je crois qu'un cheval, c'est un dieu. Alors, le maître qui vous dit, un cheval, c'est un dieu, vous tombez en extase devant lui. Parce que vous tombez en extase devant vous. Parce que c'est ça que vous recherchez. Une personne, là, qui est capable de vous dire ce qui est, ou de brasser de temps en temps, même si le maître est un dieu, si je vous dis que le maître, c'est une vache, ou que le cheval, c'est un serpent, bien, c'est ça. Si vous êtes élastique, vous allez pouvoir vous rentrer ça, et votre cheminement intellectuel va être capable de filtrer l'événement. Vous ne serez jamais frustré. Vous ne serez jamais en colère puis en perte d'énergie pour défendre une valeur. L'élasticité de la compréhension, vous devez l'avoir. C'est l'ouverture totale. Mais si vous avez un concept, une chose élastique s'étire à une certaine vitesse. Et plus elle va vers la fin de son élasticité, plus elle ralentit sa vitesse. Mais plus elle revient vers le centre du départ, alors elle part lentement et elle arrive à une vitesse extraordinaire. Bon. Mais si votre imbrication, c'est-à-dire que votre élasticité, n'est pas d'une forme souple, là, je vous parle dans le domaine de la physique, on va revenir au niveau dans le domaine de la psychologie. Si c'est simplement une énergie comme une espèce de bloc de granit, justement, qui s'ouvre et qui se ferme, sans souplesse, mais là, ce qui va arriver, c'est que vous, tout ce que vous faites, vous allez prendre un nouvel événement. Il n'y a pas d'élasticité. Vous n'allez pas vous étirer jusqu'à la limite de votre compréhension pour revenir après. Vous allez vous étirer juste ce qu'il faut pour faire rentrer un concept, une nouvelle connaissance, une nouvelle idée qui fit avec votre bloc de granit. Quand elle est rentrée, on ferme. Le reste ne rentre pas. Alors, autrement dit, vous allez vous servir de ce que vous apprenez pour continuer à nourrir votre concept. Mais il n'y a pas de compréhension là-dedans. Il n'y a que du gonflement. Hein? Il y a juste du gonflement. Vous, quand vous croyez à la réincarnation, alors un jour, une personne meurt, on la ressuscite, on la ranime, pour prendre le terme médical, et non pas le terme religieux. Et puis, elle vient dire qu'il s'est passé certaines choses. Alors, tout de suite, on prend ces connaissances-là, puis on dit, voilà, c'est ça, bang! Vous ne comprenez rien de plus. Vous venez accréditer ce que vous compreniez déjà. Mais il n'y a pas d'évolution là-dedans. Il n'y a pas de compréhension là-dedans. Il n'y a pas d'évolution. Vous allez vous servir d'un nouvel événement pour pouvoir mieux convertir autrui. Ce n'est pas de compréhension, ça. Ce n'est pas une élasticité, ça. Ça, c'est une chose mécanique, rigide, qui ramasse ce qu'il a besoin pour continuer à vivre. Ce n'est pas une élasticité. Pour être élastique, donc, pour être ouvert, il faut s'ouvrir, justement. Il faut être élastique. Et si on a la possibilité de pouvoir étirer notre compréhension, là, je ne comprends pas. Je prends telle chose, je l'essaye, je l'amène, puis je le regarde. Ça se fait tout seul, ça. Mais ça se fait tout seul si on le laisse faire. Et le laisser faire, c'est finir par pouvoir le faire. C'est-à-dire que si on le laisse s'exprimer, si on laisse notre conscience, qui est de base élastique, être élastique, bien, il ne devient pas rigide. Un muscle est fait pour être étiré puis être comprimé. Alors, quand je ramène mon bras, mon biceps se condense, et quand je fais travailler mon triceps, c'est-à-dire que quand j'étire mon bras, mon biceps s'étire. Mais si l'un des deux ne peut pas soit s'étirer, soit se comprimer, donc s'il n'est pas élastique, bien le mouvement complet du bras est brimé. Il me suffit d'un biceps rigide pour que mes triceps ne servent plus à rien. Alors, mon élasticité dans ma conscience, c'est la même chose. Si mon bras ne travaille jamais, l'élasticité musculaire disparaît. Si votre compréhension ne travaille pas, si vous n'êtes pas ouvert totalement à tout, puis là, qu'est-ce que je veux dire par ouvert totalement à tout? Prenons juste un exemple, par exemple, de certaines personnes qui disent, bof, une fois qu'on a entendu une conférence de Daniel, qu'est-ce que tu veux qu'on aille apprendre ailleurs? Une fois qu'on a entendu une conférence de Bernard, qu'est-ce que tu veux qu'on aille apprendre ailleurs? Une fois qu'on a entendu une conférence de Mario, qu'est-ce que tu veux qu'on aille apprendre ailleurs? Mais c'est ça l'élasticité. À un moment donné, on ramasse quelque chose qui nous plaît, et puis on devient briqué. Non. Une personne ne peut pas vous donner ce que vous voulez. Vous autres seuls pouvez le donner. Mais en cheminant partout, en allant voir Mario, en allant voir Bernard, en allant voir Daniel, comme vous voulez, mais en allant voir d'autres aussi. Parce que si vous êtes encore dans un domaine physique, bien, il y a du monde qui ont de quoi physiquement vous enseigner. Vous avez encore un corps vital, il y a du monde dans le domaine vital qui ont de quoi vous enseigner. Vous avez un corps astral, il y a des parcelles de psychologie en vous qui ne sont pas capables de suivre. Alors, il vous faut un prêtre, de temps en temps. Alors, il vous faut un spiritualiste, de temps en temps. Il vous faut un moralisateur, il vous faut un positiviste, de temps en temps. Pas juste un supramental, pas juste un mental. Il vous faut d'autres choses, de temps en temps. Un autre conférencier, peut-être que oui, peut-être que non. Mais une chose qui est sûre, c'est que votre évolution se fait au niveau de tous les corps. Et vous devez être élastique au niveau de chacun de ces corps-là. Vous trouvez l'acupuncture, ça vous guérit. Toutes les médecines chimiques, c'est plus bon. Toutes les médecines qu'on connaît présentement, c'est zéro. L'élasticité, là, est en train de devenir un bloc de granit qu'on appelle l'acupuncture. Mais même l'acupuncture enseigne qu'il y a des maladies qui sont un manque d'énergie vitale. L'acupuncture prend l'énergie que vous avez de trop dans le foie pour la mettre dans l'estomac, ou de trop dans l'estomac pour la mettre au niveau de notre organe. Vous souffrez de brûlures d'estomac. Vous avez donc trop d'énergie yang, qui est l'énergie de la chaleur, mais il vous en manque ailleurs. Alors, en piquant à certaines places, on prend l'énergie yin de l'estomac, puis on la transfère ailleurs où il en manque. Donc, on vous guérit. Mais si vous manquez d'énergie, votre maladie est une maladie où il y a un manque d'énergie. Mais il n'y en a pas d'excès nulle part ailleurs. C'est pas en piquant. En piquant, on va simplement transporter la maladie ailleurs. C'est en mangeant des médicaments, des plantes qui ont cette énergie-là, en respirant ou en buvant une eau ou un fruit qui contient cette énergie-là. Mais là, c'est plus de l'acupuncture. C'est une médecine homéopathique, oléopathique, c'est une médecine chimique. Une chose naturelle, c'est quoi? Moi, je prends des vitamines B, c'est naturel. Mais la vitamine B6, entre autres, détruit les nerfs complètement quand on en prend trop. Mais c'est chimique. Les vitamines chimiques, ben, ils n'ont pas l'énergie naturelle pour qu'on puisse les assimiler, donc elles ne sont pas bonnes à l'homme. Pas autant qu'une énergie, une vitamine directement naturelle qui vient d'un fruit. Mais les excès, c'est quoi? C'est qu'on se lance dans quelque chose et notre élasticité de notre compréhension en mange une claque. Alors, ce qui fait que prendre trop d'énergie, de vitamines, d'acupuncture, bien, on brime notre énergie, notre élasticité. Alors, c'est la même chose au niveau de notre psychologie, au niveau de notre vital, de notre physique, au niveau de notre énergie supramentale, au niveau de notre énergie mentale. Ne jurer que par Einstein, c'est jurer que par la perte. Ne jurer que par Newton, c'est ne jurer que par notre perte. Parce qu'il n'y a plus d'élasticité. Et si, par hasard, il y a une erreur quelque part, vous ne le saurez pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Alors, disons que pour développer notre élasticité, il faut deux choses. Il faut le doute. Et il faut le doute du doute. Et quand on a ça, on développe l'élasticité de notre compréhension. Pourquoi on développe l'élasticité de notre compréhension? Parce que notre bloc de granit, on n'est pas sûr qu'il est correct. En n'étant pas sûr qu'il est correct, on est prêt à prendre d'autres choses, donc on est élastique. Mais à un moment donné, notre élasticité, là, il ne faut pas qu'on brise l'élastique, il faut qu'on doute de notre doute. Personne qui doute de tout, qui ne veut plus rien essayer, qui ne veut plus rien goûter, qui n'est jamais sûr de rien, elle, il faut qu'elle doute plus encore. Puis quand elle va arriver à douter de la table, de l'eau qu'elle boit, de tout ce qu'on dit des livres, elle ne veut plus boire. Elle prend de l'eau distillée qu'elle distille elle-même. Elle ne veut plus manger. Elle cultive elle-même. Elle ne veut plus lire, au cas qu'à un moment donné, elle pourrait être impressionnée. Il faut qu'elle doute encore plus que ça. À un moment donné, elle va arriver à douter de son eau, de son maudit doute. Là, correct. Là, elle va pouvoir prendre de l'eau des autres. Mais elle va savoir qu'il y a de l'eau meilleure. C'est ça le doute. Quelqu'un qui doute quand il devient une maladie, là, il n'est pas assez malade. Il faut qu'il doute plus, puis qu'il doute tant qu'il va douter de son doute. Là, il se libère du doute, puis il peut s'en servir du doute comme un outil, puis comme d'une maladie. Puis le doute et le doute du doute, c'est ça qui va vous amener à avoir une conscience et une compréhension élastique. Ça fait pas mal, une compréhension élastique. Ça l'ouvre des portes. Puis on a le temps de passer avant qu'elle se ferme. Parce que le bout en arrière, il revient, lui. C'est élastique, l'affaire. Un bloc de granit, là, ça ne peut pas pousser plus vite que d'autres choses. Un élastique, c'est grand comme ça. Mais dans le temps de le dire, ça peut être rendu tout à la même place. Parce que ça donne énergie. Un bloc de granit, s'il est là, bien, il faut qu'il avance. Hein? Puis tout, chaque morceau doit passer à la même vitesse, à la même place. Il n'y a rien dans une chose rigide qui peut, si je la fais circuler dans l'espace, circuler plus vite qu'un autre. Alors, dans mes molécules de ma coupe ici, cette molécule-là ne peut pas circuler dans l'espace plus vite qu'elle si je l'ai fait circuler. Mais dans un élastique, oui. Et tirer un élastique, lâche-la. Toutes les molécules voyagent à une vitesse différente. Mais c'est ça. Alors, votre bloc de granit, là, il veut passer quelque part. Si ça ne passe pas, il ne passe pas. L'homme n'est pas prêt. Votre bloc de granit, c'est un concept, une idéologie ancrée. Vous êtes fanatique. Puis on peut être fanatique de bien des choses, vous savez. On peut être fanatique de l'évolution, comme on peut être fanatique de l'involution. Puis dans l'évolution, on peut être fanatique d'une religion. Mais même si on n'est pas fanatique d'une religion, on est fanatique d'une évolution. On est fanatique parce qu'on est snob. Snob spirituel, mais on est fanatique. Notre élasticité n'est pas là. Elle en prend une claque. Alors, l'élasticité, vous devez douter. Douter de ce que vous savez. Douter de ce qu'on vous amène. Je bois de l'eau, je doute que m'avoir encore soif, puis je doute que j'aurai plus soif. Je bois de l'eau. J'observe le résultat, puis c'est tout. Je passe par-dessus. Quand je vais avoir encore soif, je me pose des questions. Poser une question, c'est douter. C'est ça, douter. Douter, c'est pas avoir peur. Quand on a peur, c'est plus du doute. C'est de la peur. On peut y mettre le nom doute, mais c'est pas du doute, c'est pas de l'élasticité, la peur. La peur, là, c'est ton bloc de granit que tu essayes de comprimer encore plus. C'est pas de l'élasticité, ça. Tu vas le désagréger. Tu vas avoir encore plus peur. Tu changes. L'élasticité, le doute sincère, le doute pur, le doute, le vrai doute, c'est quand tu es arrivé à douter de ton doute. Tout est relatif, avait dit Einstein. Mais il avait fini son livre en disant que la relativité même était relative. Dans le livre Illusion, ceux qui ne l'ont pas lu, vous pouvez le lire, c'est de Richard Bach, c'est extraordinaire. Le livre finit avec, après qu'il vous ait emballé, qu'il vous ait enseigné des choses extraordinaires, qu'il vous ait fait vibrer et qu'il vous ait fait comprendre. Pourquoi comprendre? Parce que dans tout ce que vous savez, bien, il y a des choses qui vont pouvoir être imbriquées, ça a de l'allure pour vous. Après qu'il vous ait fait comprendre des choses, il finit avec, tout dans ce livre peut être faux. C'est ça, la relativité de la relativité. C'est par rapport à la colère. Okay. La colère, le problème, là, c'est que c'est comme une porte, c'est comme ouvrir une porte à l'astral. Et puis, c'est comme ouvrir même une porte à l'astral inférieur, l'inconscient inférieur, là. Et puis, en tout cas, moi, c'est une compréhension qui m'est venue cette semaine, là, puis je veux savoir ce que tu en penses. Bon, on parle de la compréhension. Ça fait-tu avec ce que tu en penses, la colère? C'est-tu un flash qui t'est venu ou bien non, si tu comprends maintenant c'est quoi la colère? Je comprends qu'est-ce que ça fait. Tu comprends ce que ça fait? Ouais. Bon. Maintenant, la colère, c'est quoi selon toi? La porte qui s'ouvre, celui qui ouvre la porte ou ce qui rentre quand la porte est ouverte? Ça, faut t'imbriquer ça quelque part. C'est ce que je viens de te dire là. Tu vas comprendre encore plus c'est quoi la colère. La porte qui s'ouvre. La colère, c'est quoi? Est-ce que c'est la porte qui s'ouvre? Est-ce que c'est celui qui ouvre la porte? Ben non, c'est ce qui rentre quand la porte est ouverte. Es-tu la mer ou le monstre marin? Ouais, c'était pensé ça. Ah oui, hein? Ouais. Puis quand tu as imbriqué ça quelque part, parce que tu as une conscience et une compréhension élastique, tu vas comprendre encore plus c'est quoi la colère. Puis c'est ça qui est assez le fun, pour la simple raison que tu peux poser une question. À un moment donné, on va pouvoir travailler autrement. Que moi, je réponds pas, mais que toi, tu es capable de répondre. Parce que tu seras pas, on va pouvoir discuter. Tu seras pas un mendiant de connaissances, tu seras pas un mendiant de compréhension. On va être des êtres qui vont discuter ensemble. Tu me poses une question, là, moi, je te réponds. Mais est-ce que j'y avais déjà pensé avant? Peut-être pas. Donc, tu m'apprends des choses, parce que moi, je suis élastique. Puis là, avec la réponse que tu as là, qui n'est pas une réponse, là, c'est que le cheminement qui m'est venu quand tu m'as posé ça, je te l'ai exprimé. Puis moi, si je comprends de quoi, c'est à partir de mon cheminement. Mais toi aussi, tu peux comprendre la même affaire. Ça peut être l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Ah, ça peut. Mais c'est quoi? Tout se peut. Mais ça n'explique rien. Ça peut, mais il faudrait savoir maintenant si c'est ça. Si c'est l'un ou l'autre, l'un et l'autre, c'est quoi? C'est quoi la colère? Une personne qui est en colère, est-ce qu'on peut dire que c'est une personne qui est la colère? Est-ce que tu es en colère ou bien non, si d'un coup tu deviens la colère? Ben ça y pensait. Parce que c'est quoi présentement qui s'exprime, c'est la colère? Mais la colère, c'est quoi? C'est qu'une forme bâtarde d'énergie astrale qui essaie de passer à travers toi. Mais qui es-tu, toi? Quand tu exprimes la colère, là, ben t'es la colère, t'es cette énergie-là. T'es juste ça. T'es cette phase-là astrale. Puis quand tu exprimes la bonté, tu es bon. Tu es la bonté. Pure. C'est ça l'astral. Tu es de l'astral. Tu n'exprimes pas de l'astral, tu es de l'astral. Quand de l'astral s'exprime sur une forme de vibration, ben il est ça. Automatiquement. Tout le temps. Ben, à ce moment-là, toi, t'es comme un vacuum, là, t'es vide. C'est que toi, t'es plusieurs choses, mais quand tu t'identifies dans le vacuum, t'en es un. Quand tu t'identifies dedans l'esprit, t'es l'esprit. Quand tu t'identifies dedans ton corps, t'es un corps. Puis quand tu t'identifies dedans ton astral ou dedans ta psychologie, ou dedans l'un des milliards de possibilités de formes d'expression qu'il a, tu es ça. Mais en réalité, t'es rien de ça. C'est tout ça ensemble. Puis tout ça ensemble, c'est quoi? Ben, c'est pas de le savoir, parce que celui qui essaie de le savoir, c'est une parcelle de ça. Puis une parcelle de ça peut pas connaître tout ça au complet. La feuille peut pas connaître l'arbre. L'arbre peut même pas connaître l'arbre. La forêt connaît l'arbre, mais la forêt connaît pas la forêt. L'extérieur de la forêt, mais il se connaît pas lui. C'est pour ça que nous autres, on essaie de comprendre, plus qu'on recherche, moins, ben, plus qu'on découvre, mais plus qu'il y a à comprendre. Jusqu'à temps où tu vas être tout. Puis quand tu vas être tout, il n'y aura plus d'extérieur à comprendre. Tu vas comprendre. Tout sera beau. Vous avez une question? Profitez-en, vous pouvez parler au micro. Tout à l'heure, tu parlais de Raël. Le gars qui est avec Raël... Pas moi qui parlais de Raël. Ben, en tout cas, on parlait de Raël tout à l'heure. Oui. Il se parlait de Raël. Hein? Il se parlait de Raël. Oui. Bon. Alors, Raël, les gens qui sont avec Raël, ou qui suivent, ou qui adoptent ses pensées... Ils sont dans leur réalité, oui. Oui. Nous autres, on peut s'imaginer être dans une réalité. On s'imagine d'ailleurs qu'on est dans une réalité qui est très, très, très, très valable. Ben, effectivement, puis elle est aussi valable pour toi. C'est ça. Mais en fin de compte, je veux dire, quand tu rencontres quelqu'un qui appartient à un autre groupe, qui appartient à une autre forme de pensée, lui, il dit tout n'était pas élastique parce que tu n'adoptes pas ma façon de penser. Mais ça, on s'en fout de ce que l'autre va dire. L'important, c'est pas ce qu'un autre dit. L'important, c'est que toi, tu sois élastique. Que l'autre il dise n'importe quoi, ça n'a aucun rapport. L'important, c'est que toi, tu comprennes des choses, puis que tu comprennes de plus en plus de choses. Mais comprendre quelque chose, c'est pas nécessairement accréditer ce que tu comprends déjà. Puis si ton travail il est là que pour accréditer ce que tu comprends déjà, ben tu comprends rien. Puis fichtrement rien. Dieu, c'est de la lumière. Puis toute ta démarche au cours de ta vie est là pour te faire comprendre que Dieu, c'est de la lumière. Ben oui, mais si tu le comprends, Dieu, c'est de la lumière, arrête de faire une démarche et de comprendre plus. Quand tu vas comprendre plus que ce que tu sais. Là, c'est élastique. Alors, le gars qui veut te faire adopter sa doctrine, s'il te dit ça, ben qu'il te dise n'importe quoi, qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Ça n'a aucun rapport. Tu n'es pas là pour prouver que tu es élastique. Là, tu n'es pas élastique quand tu fais ça. Tu perds ton énergie dans des valeurs absolument idiotes. Puis une de ces valeurs-là, c'est de vouloir prouver que tu es élastique, que ta compréhension est élastique. Si tu apprends de nouvelles choses quotidiennement, ça fait un an que tu vis, là, de plus. Puis dans cette année-là, t'as accrédité ce que tu savais déjà, mais tu n'as rien appris d'autre, tu n'as rien compris de plus. Ben, tu n'es pas élastique. C'est un bloc de granit. Puis tu n'acceptes que le granit. Alors, tu as gonflé. Tu as accepté que le granit. Mais tu n'as rien compris de plus. Comprendre, ça veut dire que de temps en temps, il y a de quoi d'autre qui rentre, ça explique plus. Ça explique de quoi de neuf. Parce que s'il n'y a rien de neuf, c'est que tu es parfait. C'est que tu as la compréhension globale et totale de tout. Mais maudit, tu n'es pas pogné comme tu es pogné là. Parce que si t'es pogné comme t'es pogné là, c'est que t'as pas la compréhension globale totale de tout. Donc, il te manque des morceaux. Mais si après un an de cheminement, tu n'as fait que gonfler ton affaire, tu crois plus à ce que tu croyais, mais t'as rien compris de plus. T'as rien que mis du granit sur du granit, t'as pas été élastique, t'es rigide. L'autre qui veut te venir te convaincre à n'importe quel témoignage ou à n'importe quelle forme d'école ou d'enseignement, ben, si t'embarques dedans, t'as fait un changement, t'as compris des choses peut-être. Mais après 15 ans, tu es encore là-dedans, ben bonhomme, change de place, tu comprends rien. Parce que tu peux pas cheminer tout au long de ta vie dans une religion, ou dans une école, ou dans une philosophie. Pendant un an, pendant deux ans, tu viens à mes conférences. Pendant cinq ans, c'est encore ici, tu vas te mettre à la porte. Parce que tu es un têteux d'énergie, tu comprends rien. Tu viens pas pour comprendre, tu viens pour sucer, ça te dépense ailleurs. Tu vas te mettre à la porte, tu vas dire, on va te charger drôlement plus cher. Mais je vais m'arranger pour pas qu'il se passe de quoi. Tu viens pendant un certain laps de temps. Si on a un travail à faire ensemble, on bâtit le travail ensemble, c'est correct. Mais tu viens plus assister à des conférences. Tu viens pendant un an, pendant deux ans, d'accord. Mais si tu viens pendant cinq ans, c'est que tu ne comprends pas. Tu es rendu dans une nouvelle religion, dans une nouvelle philosophie, dans une nouvelle doctrine, puis là, c'est plus ta place. Présentement, il y a de quoi à comprendre, d'accord. Viens, je comprends. Mais c'est la même affaire. Rentre dans n'importe quelle religion, il y a de quoi à comprendre, vas-y. Va au temple des Krishna ici, là. Puis ça, moi, j'en parle de temps en temps. Mais allez faire un tour, là. Vous allez voir, vous allez comprendre des choses. Aussi, n'importe quoi que vous allez décider qui sont, là, vous allez voir, vous allez découvrir des choses. Vous allez bien manger. Vous allez passer le balai après pour payer ça par votre karma. Mais vous allez comprendre des choses. Êtes-vous capable d'aller danser avec eux autres? Non? Bien, allez danser avec eux autres, vous allez dire ce que vous avez à apprendre, à comprendre. Vous êtes trop orgueilleux, vous êtes trop fermé, vous êtes trop n'importe quoi. Pas capable de faire ce qu'ils font. Eux autres le font, puis ils ne le savent pas qu'ils le font. Mais nous autres, on n'est pas capable de le faire. Mais quand on n'est pas capable de faire de quoi, il y a un travail à faire là. Il y a de quoi, nous autres, qui n'est pas correct. Il y a une barrière qui est là. Cette barrière-là, ben, elle nous nuit. Parce que, veut pas, ça nous empêche de faire une affaire qu'on trouve con. Ça nous empêche avec de faire des affaires qui sont correctes. Parce que là, c'est notre psychologie qui décide qu'est-ce qui compte, qui décide qu'est-ce qui est correct. Puis décidant ce qui compte, ce qui est correct, ben, il décide à partir de ce qu'il connaît. Puis comment veux-tu qu'il connaisse de quoi de neuf s'il recherche rien que ce qu'il connaît déjà? Alors, ton élasticité, là, elle est là. La personne a dit n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Es-tu capable d'aller dans une soirée mormon puis de prier avec eux autres? T'es pas capable, mais ils m'ont dit, il y a de quoi que tu as à apprendre, à comprendre. Puis quand tu es capable de le faire, puis quand tu as retiré ce qu'il y avait à retirer de là, ben arrête. Si tu veux te faire une limonade, puis tu prends un citron, que ça fait 15 personnes qui se sont fait des limonades avec, tu auras beau le tordre de tous les côtés, il ne sortira pas plus de jus dedans, hein? Fait qu'il n'y a plus rien à faire. Regarde pas le citron. Ta limonade va être de moins en moins bonne. Hein? Alors, c'est la même chose pour ta religion, pour n'importe quoi. Mais à ce moment-là, je veux dire, là, dans ça, moi, je perçois comme étant deux choses. C'est l'aspect de faire bien des expériences. Quand tu en as besoin, oui, mais ferme pas tes portes. C'est élastique, c'est ça. Moi, je t'invite à aller faire un tour chez les Krishna. Vas-y donc faire un tour à un moment donné. Ça coûte rien pour tous tes souliers en entrant. Déjà, tu as de la misère à marcher du pied là, tu as peur de ne pas trouver tes souliers en sortant. Il y en a plein de souliers là. C'est pas Étienne, tu vas en avoir en sortant, tu n'as pas à t'inquiéter. Bon. Mais si tu as de la misère à faire une démarche comme ça, là, on t'invite à le faire. Ça ne veut pas dire d'y aller tout le temps. Ça ne veut pas dire de ne pas y aller tout le temps. C'est à toi de voir. Mais il faut que tu changes quelque chose dans ta vie. Il faut que tu comprennes de quoi de neuf. Si tu comprends juste des choses vieilles, c'est quoi tu comprends? Tu ne comprends rien. Tu comprends de plus en plus qu'il faut respecter Dieu. Tu as toujours compris ça. Tu as toujours respecté Dieu. Alors, c'est quoi tu comprends de plus? Lâche cette école-là, elle ne t'apprend rien. Tu vas comprendre que Dieu a trois bras. Parfait, tu vas me comprendre de quelque chose. Un jour, tu comprends que Dieu a deux bras. Parfait, tu vas me comprendre de quelque chose. C'est pour ça que le doute est bon. C'est sûr qu'il faut que tu fasses de nouvelles expériences. C'est sûr que si tu as une bonne place où juste là, tu comprends des choses, va là. Mais sois pas fanatique d'aller là, par exemple, ou d'aller fouiner ailleurs de temps en temps. Tu peux rater de temps en temps une séance. Si tu es obligé d'y aller et de jamais rien rater, viens me le dire. Maman, m'arranger avec toi. Tu vas rater des séances après. T'sais? Alors, s'il faut que tu viennes, par exemple, à toutes mes conférences sans jamais en rater une, parce que c'est obligatoire, ben, commence à penser qu'il faudrait peut-être soit intermittent. C'est-à-dire que si tu viens parce que tu aimes ça, ça va. Mais la journée, par contre, que tu as quelque chose que tu pourrais faire, mais que tu décides de venir pareil, régulièrement, que tu es prête à laisser tes enfants pour venir, que tu es prête à laisser ta job pour venir, bien, viens me le dire, tu ne viendras plus ici. On va te charger plus cher. Organiser que tu ne viennes plus. Tu sais, c'est juste ça. Tu vas chez les Krishna tout le temps, tu as un besoin, tu deviens une drogue, pense-y. Tu ne peux plus apprendre. Tu ne peux plus apprendre. Tu vas manger de la... Hein, mais tu ne peux plus apprendre. Parce que quand on rencontre des gens qui sont de différentes formations, quand on discute avec eux autres, ils disent des tas de bonnes affaires. C'est bien le fun, c'est bien intéressant. Puis à un moment donné, mais ils disent bien que nous autres. Ouais, c'est le temps de puis y aller. Parce que ça, c'est comme dans la vente. C'est-à-dire, moi, j'étais dans la vente longtemps. Tu rencontres du monde, il y en a un, moi, maintenant, qui est libéral. Le gars, il dit, OK, là, il faut utiliser pareil comme lui. Là, tu rencontres l'autre qui est piquiste, il faut utiliser pareil comme lui. Parce que c'est quoi être élastique? C'est d'aller visiter le monde avant que tu t'invites. C'est pas être élastique. Je connais du monde élastique, moi, qui sont à la tête d'une immense organisation du Québec. Ils ont fait des séminaires avec d'autres pour savoir ce qui se passait là. Ils ne critiquent pas. Quand il y a du monde qui vient les voir, qui ne peuvent pas rien faire avec, mais ils connaissent ce qu'ils savent, qu'est-ce que l'autre fait. Ils les envoient là. Mais c'est ça, c'est élastique. On ne les a pas invités. Ils sont venus. Ils assistent à des conférences de d'autres. Ils ne sont pas invités. Ils y vont. Ils ne disent pas, ah, un tel, tu es encore là-dedans, tu es encore à ce niveau-là, toi. C'est quoi, tu fais d'être élastique, ça? Ben, l'élastique, il te retombe dessus en face quand tu fais ça. Tu sais, c'est encore au niveau d'un tel. C'est ça. Tu devrais peut-être y aller à ce niveau-là. Parce que tout ce que tu ne peux pas comprendre au niveau de l'autre, là, ben lui, il dit peut-être d'une façon plus simple. Puis tout ce que lui dit pas parce qu'il n'est pas là, l'autre, il dit. Mais fais le tour du monde de temps en temps. C'est ça, t'es élastique. Ah, moi, je lis juste des livres d'Aurobindo. Tu connais-tu Krishnamurti? Ah, oh, lui! Moi, Krishna, j'ai jamais connu ça, puis je veux rien savoir. Ça n'a aucun rapport avec Krishna, Krishnamurti. Mais si tu t'imagines que le nom... T'as-tu déjà lu du Rudolf Steiner? T'as-tu déjà lu du... Non, si t'es stické sur une affaire, tu perds tout. S'il y a juste la Bible comme livre sacré, ça crée des problèmes. Parce que le Coran est extraordinaire, la Bhagavad Gita est extraordinaire, le livre de Mormon est extraordinaire, puis il y a un paquet d'autres mots de livres qui sont pas sacrés. Daniel, c'est quoi la raison de la compréhension? Depuis tantôt qu'on parle que la compréhension, c'est des morceaux qu'on agglomère, puis on comprend plus. Mais là, je vois que c'est tout le temps un segment. C'est tout le temps limité. Il y a des choses à un moment donné, tu ne comprends pas. Parce que c'est en dehors de ta compréhension. Puis là, tu essaies de faire une autre place pour comprendre plus, puis ça mène nulle part. Bon, c'est la raison de la compréhension, c'est de te mener nulle part. Mais ce nulle part-là, c'est pas une barrière. Donc, il te mène une place parce que c'est une barrière. C'est-à-dire que tu mets des concepts ensemble. Tu fais une chaîne. Là, c'est très, parabolique, là. Tu fais une chaîne, et puis il y a un taureau qui s'appelle supramental, qui veut passer à travers la chaîne qu'on peut appeler un mur. Bon, en faisant des agglomérations, il va venir à un moment donné où c'est que ton mur va se placer selon une autre forme, parce qu'il ramasse des morceaux. Jusqu'à temps que tu comprends quelque chose, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est plus un mur, il y a un trou dans le mur. Mais ce trou-là, la parcelle que tu appelles le trou, c'est une chose qui est venue s'imbriquer. Puis ton taureau peut passer par ce trou-là. Puis en passant là-dedans, bien, il est capable de balayer le mur. Il ne balayera pas tout de suite, c'est l'érosion. Plus qu'il va passer dedans, plus qu'il va gruger tes murs. Alors, ta compréhension, elle t'amène à quoi? C'est que présentement, toi, tu es solide. Et plus tu vas comprendre, il se trouve que plus tu vas douter. Parce que plus tu vas comprendre, plus tu vas te rendre compte que ce que tu savais, que tu as changé, bien, maintenant, il faut être ouvert, il faut douter. Et plus tu vas comprendre, donc plus tu vas douter, plus ta compréhension va devenir élastique. Et plus elle va devenir élastique, moins elle va être rigide. Et moins elle va être rigide, plus elle va être subtile. Et plus elle va être subtile, plus l'énergie subtile va être capable de venir faire vibrer cette compréhension-là selon une forme intelligente où il n'y aura plus de compréhension psychologique, mais ça va se transmuter en compréhension instantanée. Alors, le cheminement de la compréhension, il est adéquat et il est utile pour l'homme. Mais il faut qu'on l'aide. Et l'aider, c'est quoi? C'est le rendre plus élastique. Donc, s'épanouir, s'ouvrir. C'est ça que c'est. Alors, en l'épanouissant, en s'ouvrant, donc en le rendant de plus en plus élastique, bien, on finit par laisser passer des énergies qui sont, eux, beaucoup plus subtiles. Une chose qui est rigide n'est pas élastique. Et plus elle peut être subtile, plus elle est élastique. Si on prend, par exemple, n'importe quel gaz, on peut le comprimer parce qu'il est élastique. Et le gaz qui, par exemple, est contenu dans une ampoule, disons qu'il y a un pied cube de volume, bien, ce gaz-là, si on le place dans une pièce, il y a 1000 cubes de volume, mais le gaz va aller se promener dans la pièce parce qu'il est élastique. Puis si tu prends le gaz qui est dans un pied cube de volume, tu l'enfermes dans 1 cm3 de volume, il peut y aller. Il est élastique. Donc, il vibre beaucoup plus subtilement que si tu prends un bloc de roche, mais là, dans un 1000 cubes de volume, la roche, elle va rester roche. Elle n'ira pas s'épanouir pour occuper l'espace. Par contre, essaie de comprimer la roche, il ne sera pas capable, il ne pourra pas être comprimé. Alors, ce qui fait que l'élasticité de ta compréhension, c'est la subtilisation de ta compréhension. Donc, l'énergie, à un moment donné, peut vibrer, l'énergie intelligente peut vibrer selon la même onde, la même vibration, le même rythme que ta compréhension, c'est-à-dire que ton astral ou que ton mental. Donc, il va le transformer, il va le muter. Donc, on assiste à une mutation psycho, mentalo, même supramentalo, mentalo mutation, psychomutation, puis tout ça. Alors, c'est juste ça la raison de la compréhension. C'est pour ça que l'homme commence à comprendre. Plus l'homme comprend, plus l'homme y est fait, parce que plus l'homme comprend, plus il est élastique, plus il est élastique, plus il est sujet à comprendre. Mais il peut vouloir ne plus comprendre parce qu'il souffre trop. Pourquoi? Parce que dans son élasticité, il y a des blocs de roche qui ne sont pas élastiques. Ceux-là sont cassés. Ça fait mal. C'est vrai que c'est comme le reste. Comprendre, ça sert à arrêter de comprendre. Que ça sert à rien. C'est ça. Terrible, hein? C'est peur, hein? Mais dans le... Parce que tout à l'heure, on disait là, que la compréhension, en fait, c'est comme si la compréhension était l'outil de quelque chose en soi. Comme n'importe quel outil, quand tu n'as plus de clou à cogner, ton marteau ne sert plus à rien. puis c'est comme si la compréhension, je voyais ça comme étant la partie de soi qu'on appelle l'ego qui utilise la compréhension pour empêcher d'être ça. Oui, cette compréhension-là, c'est quand l'ego appelle son bloc de granit une compréhension, mais en réalité, il ne fait que mettre du granit par-dessus du granit. Alors ça, c'est pas une compréhension. C'est pour ça que je te dis que comment discerner la compréhension dirigée, disons, qui va t'amener à t'épanouir, à la compréhension qui t'amène à te fermer. Simplement que si, au cours d'un certain laps de temps, disons que Session, parlons par exemple d'un an, si tu n'as rien compris de neuf, tu n'as fait que croire plus à ce que tu croyais déjà, une compréhension qui est égocentrique, tu restes à ce que tu étais, au lieu de transformer ton granit en vibrations qui peuvent se promener partout dans l'univers, tu prends l'univers pour l'agglomérer sous le granit. Alors, c'est pas ça. Alors, si tu n'apprends rien pendant un certain laps de temps, tu ne comprends pas plus que tu comprenais des choses, ben c'est simplement parce que la compréhension que tu as n'est pas bonne. Puis l'endroit où tu vas pour comprendre, c'est pas bon. Si tu viens ici, puis quand tu pars, il y a des choses là, qui te promènent. Ben, présentement, tu es bien dirigé, disons. Pas parce que tu viens uniquement ici, parce que où tu vas, tu apprends des choses, il y a des nouvelles compréhensions qui se font. Tu ressors, tu penses plus pareil, ça peut prendre un mois, six mois, mais s'il y a ça qui se passe, tu es dirigé correct. Tu vas chez les Krishna, tu vas apprendre. Puis je me fous de leur niveau vibratoire ou leur niveau d'évolution. Tu vas apprendre. Parce qu'il y a des affaires extraordinaires, là. Moi, c'est un disciple de Krishna qui m'a dit, on est extraordinaire dans le sens que ceux qui sont ici veulent évoluer. Parce que jamais j'ai vu un chien venir se présenter à face à ça. Mais quand tu là, il continue à parler. Puis c'est bon en crime. C'est super. Sauf que toi, il ne faut pas que tu trouves cette trappe-là, par exemple. Parce que les autres ne pourront pas suivre. Les autres sont un bloc de granit. Mais toi, tu es élastique, tu peux voir. Mais quand tu n'apprends rien, malgré ta démarche, c'est égocentrique, c'est égoïque, c'est involutionnaire. Et si tu apprends, c'est évolutionnaire, c'est exocentrique, c'est parfait. C'est comme si dans l'énergie de notre existence, il fallait atteindre un point où on était comme de l'eau, en fin de compte, qui se promène, qui n'a pas de substance, mais qui est tout le temps substance par elle-même quand même. Oui. Je perçois comme ce qu'on appelle l'ego, là, en fin de compte, qui ne veut pas devenir élastique, mais qui doit devenir élastique comme un courant d'air. Il n'y a pas le choix, l'ego. L'ego, il y a tout ce que l'ego ne veut pas. Ben, c'est présentement la démarche qu'il fait pour ne pas avoir ça, l'amène à être ça. Parce que l'ego avait peur. Pour arrêter d'avoir peur, l'ego s'est bâti un outil qui va lui permettre de comprendre l'extérieur pour lui amener la connaissance qui arrête d'avoir peur. Cet outil-là, c'était premièrement les sens, et c'était surtout le corps mental, l'intellect. Mais l'intellect, à un moment donné, est capable de tellement voir, de tellement logistiquer tout ce qu'il peut rencontrer, qu'à un moment donné, il ne veut plus marcher avec l'astral. L'astral, il va se faire fourrer. L'astral t'amène dans des domaines spirituels, hautement spirituels, où tu peux triper. Mais ces domaines-là augmentent ton schéma vibratoire. Et l'augmentant permet à ton corps mental d'augmenter le sien. Et augmentant le sien, il lui permet de comprendre encore plus et plus haut. Il finit par briser la sphère astrale, sortir du spirituel. L'astral s'est encore fait fourrer. Le fait que tu as, par exemple, tu viens à une place où tu tripes, tu adores tel conférencier, c'est too much, c'est too much. C'est un trip, c'est un phénomène astral, ça. Mais l'astral s'exprime par ça. Alors l'astral va te permettre d'y aller parce que tu lui permets de s'exprimer. Il est encore en train de se faire fourrer. C'est ça. Alors l'ego, lui, il ne veut pas. Ne voulant pas, ben, il va obtenir tout sauf ce qu'il veut. C'est pour ça que tout ce qu'on va avoir, on ne l'a pas. Alors l'ego, il n'a pas le choix, il est en démarche vers ça. Plus tu vas comprendre ce que tu es fait, mais plus tu vas comprendre pourquoi tu es fait, et plus tu vas comprendre comment ça marche, mais moins tu vas souffrir le fait que tu es embarqué. C'est souffrant, mais parce qu'on ne comprend pas assez l'évolution. C'est juste pour ça que c'est souffrant. Mais l'ego souffre parce que l'ego refuse. L'ego refusant, c'est lui qui souffre. C'est rien d'autre qui souffre. C'est pas l'intelligence active qui souffre, c'est l'ego. C'est avec l'ego. La mémoire, elle ne souffre pas la mémoire. C'est l'ego. C'est l'agglomération. C'est la densification de ton astral qui est l'ego. Il souffre, lui, il souffre au coton. Mais il souffre pourquoi? Parce qu'il veut rester de même, puis il se rend compte qu'il se défait. Or, pendant un tap d'involution, c'est-à-dire que pour permettre l'accès, pour permettre la création du mental, il faut qu'on ait un astral assez puissant. Alors, pendant longtemps, on a fait des choses sur la Terre qui puis ont poussé l'astral à un état vibratoire extraordinairement fort. On a inventé les modes. La femme a participé longtemps, justement, à la création d'un astral matériel, psychologique, planétaire, dense. Les guerres ont fait ça. C'est-à-dire que là, on est dans l'âge de fer de l'âge de fer. Mais le travail, justement, des intelligences, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de mal qui se passe sur la Terre pour pouvoir précipiter l'âge de fer, pour pouvoir enfin commencer l'âge d'or, l'âge d'évolution, le Verseau. Bon. Mais ces choses-là, c'est ça. C'est qu'il nous faut un astral assez parfait pour pouvoir créer un mental assez parfait pour pouvoir accepter l'énergie supramentale qui va venir balayer l'astral. Mais c'est ça le jeu de l'astral. C'est juste ça. Puis quand je dis balayer l'astral, purifier, disons, serait plus juste. Autre la mémoire de l'astral est purifié. Une forme d'énergie, c'est correct. Mais la mémoire, elle est similaire en termes vibratoires à l'astral. Donc, c'est la seule place qu'elle peut s'incrustrer, par amour, par attraction vibratoire. Alors, on mélange la mémoire et l'astral. On veut détruire l'astral. Mais ça, faites-vous-en pas. Même si vous voulez détruire l'astral, vous ne pourrez pas le détruire, l'astral. Sauf en prenant certaines drogues. Puis vous allez arrêter de le détruire parce que vous allez mourir à un moment donné, puis l'astral, ben, il reste pareil. Ce que vous allez détruire, c'est les mémoires astrales. Donc, c'est cet astral-là. Alors, quand vous entendez un grand conférencier dire qu'il faut balayer l'astral, c'est les mémoires qu'il faut balayer. Donc, il faut purifier l'astral. La mémoire est de même type que l'astral. Donc, elle s'agglomère par attraction vibratoire, c'est normal. Autant que l'eau va à l'eau. Et l'eau va à ce qui est vibratoirement similaire à son attraction. Alors, la forme astrale va être purifiée, et puis l'ego, à un moment donné, va être désagrégé. Et puis là, on va prendre un break parce que nos Big Macs sont arrivés. C'est une farce. Restez tout assis. Bon. Alors, c'est ça. Dans le processus de pensée, on veut, à un moment donné, arriver à vouloir parler avec des individus qui sont, disons, au niveau dans notre tête, d'un niveau supérieur. Ça, c'est un désir qui n'est pas réalisé parce qu'on désire. Oui. Tant que tu prends la place de l'individu, l'individu ne peut pas prendre ta place à toi. Ça va toi. Et puis ces individus-là, à un moment donné, ils parlent parce que c'est les individus avec lesquels tu veux parler. Quand je parle de fusion, il y a différents types d'individus que tu peux rencontrer. Une réincarnation pluralitaire fusionnaire, OK? Tu dois fusionner tes personnalités à un moment donné au niveau de tes réincarnations. Ce qui arrive, c'est que tu prends de plus en plus conscience que tu es plus qu'un. Et de temps en temps, une personnalité veut parler à l'autre personnalité. Mais quand elle est là, l'autre ne peut pas s'exprimer. De temps en temps, toi, la personnalité ou l'individu avec qui tu aimerais t'exprimer, mais de temps en temps, c'est lui qui s'exprime par toi. Tu n'as pas à le chercher. À un moment donné, tu vas aller fusionner ensemble. Tu as d'autres formes d'êtres que tu aimerais rencontrer, qui peuvent être ton ajusteur de pensée, qui peuvent être certaines formes de mémoire planétaire révolutionnaire, style maître, qui peuvent être aussi certaines formes de contact extraterrestre, extraterrestre dans le sens que ce n'est pas au niveau de l'astral ni du mental planétaire, mais c'est au niveau supramental, ça c'est pas inhérent à la planète Terre, donc c'est extraterrestre. Mais automatiquement, oui, si toi, ta psychologie t'oblige à avoir une forme pour pouvoir accréditer le fait que tu peux parler avec cette énergie-là, bien, l'énergie va apparaître selon une forme, ou une soucoupe volante, ou un maître, ou une rose, ou un chien, ou un arbre, ou n'importe quoi. Parce que c'est toi qui en fais la demande, et l'énergie ne peut pas passer, ne peut pas venir te communiquer à toi si tu n'as pas ça, si tu n'es pas prêt à le voir. Et avoir un contact mental, bon, ça ne vient pas qu'à ton désir. À un moment donné, à force de vouloir parler dans ta tête ou d'avoir un contact qui nous donne de l'information, ça vient. Tu peux rentrer en contact avec une forme astrale. Point. Mais encore là, la forme ne voudra pas nécessairement répondre ou accéder. Non. C'est-à-dire que si tu désires rencontrer un maître, tu ne rencontreras pas de maître, sauf une mémoire d'un maître. Par contre, quand tu ne désires plus, ta psychologie étant construite comme elle est, c'est possible que pour pouvoir survivre au contact d'une énergie, on doit te la présenter selon une forme qui va te permettre de l'activité. Tu vois une soucoupe volante qui atterrit, un gars qui sort, qui dit l'homme se réincarne, il repart. Mais même si tu ne croyais pas à la réincarnation, là, tu vas y croire. C'est aussi sans dessein parce que tu crois sans savoir, sauf que l'énergie a pu venir te communiquer quelque chose selon une forme qui t'a permis de le voir. Si tu ne crois pas aux soucoupes volantes pantoute, mais tu crois par contre aux anges, bien, c'est sous la forme d'un ange. Si tu es religieux au coton, bien, c'est sous la forme d'une apparition comme Marie. Ou qu'on va t'amener une certaine forme d'énergie pour augmenter tes vibrations. ça apparaît selon la forme que tu as besoin. Moi, je rentre en contact direct avec parce que j'ai pas besoin du cossin de forme pour pouvoir le rencontrer. Bon, à ce moment-là, si tu as besoin d'une forme, puis il y a bien des individus qui n'ont pas besoin d'une forme pour rentrer en contact avec une énergie, qui a un très haut niveau de connaissance, d'intelligence. Mais moi, ça me parle pas en moi. Si ça me parle en moi, c'est pas l'intelligence active. Donc, à ce moment-là, c'est quoi? La salle. Checkez-vous. Puis ici, par exemple, quand ça parle dans notre tête, je ne parle pas dans mon cas, là, je dis ça général. Supposons que ça parle dans notre tête. Quand les gens qui sont fusionnés, ça parle dans leur tête? Non. Ça fait quoi alors? Ça parle pas dans leur tête. Les gens qui sont fusionnés, ils n'ont pas sa terre présentement. Je veux dire, ils sont dans le processus de, excuse-moi, ils sont dans le processus de fusion, oui. Ou en cheminement vers la fusion, ou très près. Ou OK, ça ne parle pas dans leur tête. C'est eux autres qui se parlent eux-mêmes, puis qui disent de quoi d'absolument parfait. Ils s'en rendent compte. Oui, oui. Mais même là, pour arriver à avoir... Mais ils discutent pas avec ça, pas comme tel. Mais pour en arriver à avoir un contact harmonieux ça arrive avec à un moment toi-même. Donné qu'il y a de quoi dans ta tête qui va te dire « Fais pas ça ». Et d'une manière que tu n'auras jamais entendu qui va te pétrifier. À ce moment-là, ça vient de l'extérieur vers l'intérieur oui. Et non de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça. Tout d'un coup, tu vas dire « Là, c'était l'affaire. Ce maître-là, c'est une farce. » Hein? C'est qui parle. C'est toi qui viens de prendre conscience, tu l'as exprimé à l'intérieur de toi. On ne te parle pas dans ta tête, ça donne cette impression-là. C'est tellement différent. Puis j'en parle pas trop parce que l'astral peut se servir de ce que m'a dit pour te faire comprendre que ce qui est en train de te parler, c'est l'énergie intelligente. Ce ne sera pas l'énergie intelligente. Non, personnellement, je peux te dire, j'ai compris que ce que je parlais de là, là, je veux dire, c'est que souvent, moi j'étais avec Bernard, moi, Denis, il dit, tu peux rentrer en contact avec les énergies, mais la différence vibratoire qu'il y a entre vouloir désirer rentrer en contact avec une énergie qui nous parle plus ou moins, un peu comme on parle avec un gars qu'on entend au téléphone plus ou moins, puis l'énergie qui nous parle d'en haut, c'est complètement différent. Ben oui, c'est ça que je te dis. Ouais, c'est ça, là, c'est exactement. Très clair comme ça. Tu l'as checké, hein, ben voilà.